Chapitre 12. Jaipur et les Rajputs. Le palais de Ram Singh. Les alligators et les tortues. À éléphant. Ambar. Chargé par des guêpes. Un sacrifice sanglant. Départ pour Bombay par Ajmer, Ahmedabad, Baroda, Surat, etc., etc. 8 avril. Après une nuit réparatrice au Kaiser Hind Hotel, nous allons rendre visite au factotum du Maharaja, M. F., prévenu de notre arrivée par un complaisant étranger. Cet aimable Hongrois nous reçoit, entouré de 100 sacs de blé bandés de grenats, cabochons, de topazes et d'améthystes, dont il monopolise le commerce au nom du successeur de Ram Singh. Ce prince, tout à fait dans le mouvement, continue la politique réformatrice de son prédécesseur. Ainsi, il a achevé le licenciement de son armée. Inutile, puisque les Anglais veulent bien le garder. Et l'argent de ce chapitre budgétaire est annuellement employé à parachever ou à entretenir les établissements d'utilité publique créés par Ram Singh, tels qu'une école des arts et métiers, un hôpital, une bibliothèque, un jardin public et une usine à gaz. Jaipur est une ville tout à fait étrange. Note, Jaipur, 60 000 habitants. Fin de note. Si l'on considère ces remparts massifs émergeant de leur ceinture d'arbres et dominés au loin par un cirque de montagnes granitiques couronné d'une série de citadelles, on se croit en plein Moyen-Âge. Et si l'on pénètre dans la ville, l'illusion se corse encore davantage. Nous croisons en effet à chaque pas des hommes élégamment vêtus, à figure martiale, le bouclier rond à la ceinture et le sabre au côté. Leur barbe, séparée en deux par une raie verticale, est hérissée à droite et à gauche, et leurs turbans coquets sont plantés de côté, à la fière à bras. Une seule chose nous choque, c'est le bandeau dont la plupart d'entre eux sanglent leur menton et leurs oreilles afin de donner le fameux pli d'ordonnance à leur barbe. Les costumes des femmes ne sont pas moins recherchés. Elles portent de larges pantalons ou une jupe épaisse à 1000 plis plats en forme de cloche, un mamillaire très ornementé et un voile rouge bordé d'une large bande d'or ou d'argent. Dire qu'elles sont surchargées de bijoux n'est pas exagéré, car j'en remarque plusieurs dont l'allure rappelle celle des canards. Monsieur F m'assure qu'elles portent jusqu'à 3 kilos de bracelets à chaque jambe. Leurs pieds sont revêtus jusqu'aux ongles d'une sorte de gantelet articulé à pendeloques en argent ou en or, ce qui est le suprême du genre. Enfin, leur nez est agrémenté de pendants les plus compliquées. Elles sont néanmoins jolies et, dit-on, très légères. En tout cas, j'affirme que c'est plaisir de les voir aller, venir, rire et chanter en montrant leurs belles dents au soleil. Nous pénétrons par une haute porte dans la rue principale, longue de 3 km sur 30 mètres de largeur, où règne une animation incroyable. Tout porte à la gaieté, encore plus qu'à Lahore, dans ce Paris de l'Inde. Note, Paris de l'Inde, surnom donné par les Anglais à Jaipur. Fin de note. Les maisons peintes du haut en bas rappellent avec leurs étages irréguliers de loggia celles de Naples. De longues files de chameaux remplissent les rues et les places fourmillantes de piétons et de cavaliers. Ici, un baron, suivi de son escorte et précédé d'un porte-canne, traverse la foule sur un étalon blanc. Là, des bœufs sacrés enjambent adroitement l'étalage d'un libraire en plein vent. Plus loin, des valets de chiens conduisent dans l'est de beaux lévriers à la livrée du prince. Et à travers tout ce mouvement, des groupes de jeunes filles passent en chantant, en chœur, portant sur leur tête, selon l'usage, des cadeaux destinés par de futurs époux à leurs fiancés. Note, baron, les parents du Maharaja portent cette dénomination. Fin de note. si les rues sont propres, bien percées, éclairées au gaz et bordées de larges trottoirs, à part le palais du Maharaja, les monuments font ici absolument défaut, car le palais des vents, grand placard pyramidal en stuc à 1000 clochetons, n'est autre que la façade orientale du palais du prince. Nous nous empressons de rendre visite aux résidents anglais afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour pénétrer dans les bâtiments royaux, puis accompagnés de notre guide honoraire et munis des laissez-passer britanniques, nous entrons dans le palais, sorte de cité presque aussi populeuse que la ville elle-même. Je serai par exemple bien embarrassée pour dire de combien de parties se compose cet ensemble de constructions jaune et surtout rose. Je citerai seulement comme remarquables les deux salles de réception. Elles sont spacieuses et d'un beau dessin, mais les piliers sont en stuc et nous avons pris l'habitude du marbre. Nous traversons ensuite d'immenses jardins, bien entretenus, ornés de kiosques élégants et partagés en quatre parties par une croix grecque, deux bassins à jet d'eau sans eau, comme le paillon. Puis nous arrivons au Buen Retiro du prince, bâtiment à un seul étage d'un joli style hindou. Le salon principal est très richement décoré à l'européenne. Les autres pièces sont à l'avenant. Dans la salle de billard, le professeur de sa hôtesse donne présentement une leçon de carambolage à son propre fils. Si ce vigneau à turban était moins fort, je lui proposerais un match. La face nord du palais donne sur un lac plein de tortues monstrueuses et d'énormes alligators. Les uns, vautrés dans le sable, ne dorment que d'un œil. D'autres flottent à fleur d'eau comme des troncs d'arbres. Sur le dos de la plupart sont plantés des chevaliers pieds rouges d'une espèce particulière et autour d'eux, les tortues, plus remuantes, ne cessent d'agiter l'eau avec leurs moignons écailleux. Un Indien, voyant l'intérêt que les sauriens nous inspirent, saisit un long bambou et court vers la rive en hurlant. Aussitôt, grand branle-bas de coups de queue formidables et salve de claquements de mâchoires à triple rangée de dents. Oiseau de s'envoler et monstre de disparaître sous les eaux vertes. Le Graal du palais renferme 40 éléphants à l'avant-main soigneusement peintes, l'un d'eux est en rute depuis 3 mois. Enchaîné des 4 pieds, il exhale sa rage par un baryte insupportable. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. En quittant le Graal, nous jetons un coup d'œil sur la fauconnerie, puis nous nous rendons aux remises contenant une 20aine de voitures, dont 8 de grand gala. Nous terminons enfin notre promenade par la visite des écuries. Leur installation fait le plus grand honneur au goût hippique du prince, car ses 400 chevaux sont confortablement logés dans des stalles en marbre et en stuc, ouvrant sur un immense tapis vert bordé de lys. Du côté opposé sont les appartements particuliers du souverain, qui, de son balcon, surveille ses palefreniers au nombre de 800. Le tapis vert entouré extérieurement au lys de massifs de fleurs sert à la promenade des animaux. Je remarque plusieurs belles bêtes de pur sang anglais et de grands carrossiers australiens de 1,70 m. À la porte des écuries, un détachement de la garde royale surveille les entrées et les sorties. Je ne dirai pas grand-chose de l'école des arts et métiers ni des autres établissements publics. C'est déjà beaucoup de les avoir créés. Nous achevons notre journée par des achats d'armes et de pierreries et par une tournée chez les banquiers dont les émaux sur or ont une réputation justifiée. Dans la soirée, on vient nous prévenir de la part du résident qu'un éléphant du Maharaja nous attendra à 7h du matin à 1 km en dehors de la ville, sur la route d'Ambar, ancienne résidence des souverains de Jaipur. 9 avril. Donc à 6h du matin, notre calèche nous emporte à travers la ville où tous les dromadaires de l'Inde semblent s'être donné rendez-vous dans la direction d'Ambar. À peine avons-nous dépassé les faubourgs verdoyants de la cité Rajput, que le paysage change du tout au tout. En face de nous se dresse la masse rocheuse dont j'ai déjà parlé. Ses pics principaux sont armés de forts et entre eux, le long des crêtes, courent des murs crénelés semblables à des dos de caïmans. À notre droite, un palais en ruine que le soleil levant transperce de ses rayons mire sa façade dans un étang aussi antipathiquement peuplé que celui du palais. Plus nous avançons, plus le site devient sauvage. Nous atteignons bientôt le carrefour où nos éléphants nous attendent. Je dis non, car nous avons la bonne fortune d'être rejoints par Monsieur et Madame Lamal de Darjeeling, également pourvus d'un éléphant, deux par le résident. Notre monture, sollicitée par son mahout, s'abaisse sur le ventre en deux temps. Un palefrenier applique contre cette masse de cuir accroupi l'échelle accrochée au haouda. Nous franchissons six échelons. Ça y est, attention et cramponnons-nous. Note, haouda, siège qu'on met sur le dos des éléphants. Fin de note. Une violente secousse nous rejette en arrière. C'est l'avant-main qui s'est remise debout. Puis un second à-coup nous bouscule en sens inverse. C'est l'enlevé de l'arrière-main. L'entresol est devenu premier étage. Et maintenant, en route. Un péon, tout de rouge habillé, nous précède, armé d'un long bâton aux couleurs britanniques. Quel roulis et quel tangage à chaque pas de notre pachyderme, peint de frais aux couleurs de Vishnu. Voilà un genre de locomotion parfaitement désagréable. Mais comme je n'ai pas l'embarras du choix, cela n'a pas d'importance. La muraille rocheuse se resserre de plus en plus et se transforme en une gorge étroite coupée de deux enceintes fortifiées. En fait de végétation, une forêt de cierges dont les tiges innombrables sortent de toutes les anfractuosités des rochers et c'est tout. Ça et là, quelques pans braillards courent le lézard. C'est dans ces lieux sauvages que les Rajputs ont tenu tête aux envahisseurs mahométans qui ne purent jamais les soumettre. Ils n'ont pas été aussi heureux avec les Anglais. De ballottement en cahotement, nous arrivons au pied du palais d'Ambar. Ai-je dit que, pour atténuer l'insupportable chaleur, notre éléphant plonge à chaque instant sa trompe dans son estomac et se donne du vaporisateur sous le ventre et sur les flancs? Nous longeons bientôt un étang vaseux et non moins mal fréquenté que les deux premiers. De grands singes blonds, perchés sur les arbres, nous font leur plus hideuse grimace. Puis la montée devient extrêmement raide et tortueuse. Nos éléphants soufflent comme des locomotives et stoppent enfin. Ce n'est pas trop tôt. Ambar est presque toujours inhabité, ce qui s'explique facilement étant donné que l'eau y est aussi rare que mauvaise. D'ailleurs, à part la salle d'Urbar, ornée de piliers d'arcades et d'arabesques d'un goût parfait, les salons de repos, aux murailles incrustées de petits miroirs, un monumental pavillon et un kiosque très gracieux, ce palais ne présente rien de particulièrement curieux. D'escalier en escalier, nous arrivons à l'entrée d'un chemin souterrain conduisant à une énorme tour perchée sur la cime du rocher dominant Ambar. Notre guide nous assure que c'est le coffre-fort du prince. Au même instant, un essaim de guêpes fait irruption sur notre escorte d'indiens courvêtus. C'est une vraie déroute. Nous nous servons de nos ombrelles comme boucliers, mais je jure qu'on ne me fera pas revisiter ce palais. Comme nous revenons vers nos montures, un croyant apporte trois chevreaux noirs dans la pagode au sacrifice, situé à l'extrémité de la première cour. Il y a 200 ans, c'eût été trois jeunes filles. Note, les Rajputs célébraient les funérailles de leur chef par des sacrifices humains et pratiquent l'infanticide des filles et le meurtre des veuves. Vivien Saint-Martin. Fin de note. Nous emboîtons le pas derrière l'homme au chevreau. Trois prêtres sont accroupis sur une sorte d'autel au fond du sombre sanctuaire où nous pénétrons sans difficulté. À leur pied est un large trou creusé dans le marbre. Près du trou est un tas de sable. Enfin, deux enfants se tiennent de chaque côté du sacrificateur, armés d'un sabre à lame large, d'un poids énorme. Chaque chevreau est amené à son tour devant l'autel. Un des prêtres le baptise trois fois et lui met des roses sur la tête. Puis l'un des enfants passe autour de ses cornes naissantes une corde qu'il raidit, tandis que l'autre acolyte tient la victime par les pattes de derrière. Le bourreau se place de côté, fléchit sur les jarrets, relève la masse coupante et d'un seul coup tranche la tête. La physionomie de la section et la façon dont le sang a jailli sont observées par les prêtres. Avec une attention proportionnelle à la somme versée par le bénévole Rajput. Par trois fois, nous assistons à ce pénible spectacle, mais l'heure avançant, sans savoir si le sacrifice avait été, oui ou non, agréé par le dieu, nous remontons à éléphant et nous regagnons Jaipur. À peine revenu à Kaiser Hind Hotel, le résident vient nous rendre notre visite et nous inviter pour le lendemain matin à une chasse à l'antilope. Nous aurions préféré rejoindre le Maharaja, actuellement à la chasse au tigre avec toute sa maison. Mais tant de difficultés se présentent pour arriver à nos fins que nous préférons tout refuser et partir le soir même pour Ajmer et Bombay. Nous arrivons à Ajmer par un Khamsin carabiné. Il est minuit, la chaleur est épouvantable. Notre thermomètre mis à la portière du wagon ne descend qu'à 31 degrés. Et le ciel est tellement ensablé que le plein de la lune aidant, on se croirait coiffé d'une cloche de verre phosphorescente. Pas de place au bungalow, pas d'hôtel, rien à boire, rien à manger et peu de choses à voir, nous dit un inspecteur de chemin de fer. Mon compagnon de voyage veut quand même visiter cette ville. Comme je n'y tiens nullement, nous nous séparons. Je continue sur Bombay pour préparer notre installation à l'hôtel et notre voyage au temple d'Ellora. De son côté, mon ami s'étend sur sa couverture au pied du mur de la station pour achever cette pénible nuit. Quand je le quitte, une couche de sable le recouvre déjà. 10 avril. Au matin, je me réveille à demi asphyxié et à moitié enterré. Le thermomètre marque 36 degrés. Nous contournons un dédale de montagnes granitiques étoilées de paillettes de mica et au flanc desquelles les arbres à coton mettent des éclaboussures d'ocre. Presque tous les arbres sont garnis de nids en forme de longues bouteilles et couverts de nuées de tourterelles poignardées. Quelques antilopes galopent à travers les halliers secs puis s'arrêtent pour nous examiner. À partir de 9 heures, la chaleur m'accable tellement que je n'ai plus le courage de rien regarder. À Ahmedabad, où je dîne à 5 heures du soir, deux ravissantes hindoues, appuyées l'une sur l'autre, me donnent du pumka. Cela me remet un peu, car rien n'est plus gracieux que la façon dont elles tirent le jonc bienfaisant, en découvrant, à chaque effort, la poitrine dorée et ferme comme des pêches. 11 avril. Au réveil, une brume humide et tiède a succédé à l'atmosphère silicieuse. Changement de décor. À droite, une forêt de cocotiers dresse ses plumets verts dans les nues. À gauche, le sol noir est pommelé de flaques d'eau dont les surfaces miroitantes sont peuplées de hérons. Un peu partout, des haies de cannes à sucre quadrillent les parties de terrain moins marécageuses. Ce sont les salins de Bombay. Je touche au but. À 8 heures, après avoir salué la nappe bleue de l'océan Indien, tout ensoleillé, notre train entre bruyamment dans une sorte de serre où il s'arrête. Je suis en gare, Boré Bunder, de Bombay. Comment, au milieu de toutes ces fleurs, ne pas oublier de suite les steppes arides où je chevauche depuis 38 heures. Un gari m'a bientôt déposé à l'hôtel de l'Esplanade, immense construction en fer et en bois à 4 étages, transportée de Londres pièce par pièce. L'emploi de ma journée du vendredi saint n'a rien qui puisse intéresser le lecteur, les magasins et les bureaux étant fermés en signe de tristesse. Néanmoins, mon impression première est que Bombay me plaît infiniment plus que Calcutta. Pendant que j'essaye de respirer un peu sur la terrasse de l'hôtel, un grand seigneur du Deccan vient s'installer auprès de moi. Sa figure et sa tournure me rappellent exactement celle du chat de Perse. Il porte une redingote et un pantalon en drap noir brodé d'or sur toutes les coutures, un sabre superbe et un bonnet surmonté d'une riche aigrette. Autre ressemblance, les sorbets ne paraissent pas lui être antipathiques. Fin du chapitre 12.